Alors, c'était de présenter quelques exemples d'analyse de réseau, menée à partir d'une série de bases de données relationnelles intégrées dans ce qu'on appelle, on a appelé les systèmes ficheuses. On va essayer de répondre à la question de qu'est-ce que c'est le système ficheuse, mais pour ces cas-là, on va utiliser la base de données Arctos d'un côté et de l'autre la base de données Navigo Corpus. La plupart d'entre vous ne connaissent probablement pas ce que c'est le système ficheuse. C'est un projet scientifique sur lequel on travaille depuis plus de 20 ans, dirigé de le début par Jean-Pierre Dedieu. Il est né pour informatiser des fiches individuelles faites à la main concernant les membres de l'administration espagnole au XVIIIe siècle. Depuis le début, il y a un bon nombre d'universités, mais en France, en Espagne, au Chili, en Tunisie, qui ont travaillé là-dessus. En même temps, il y a différents projets ANR, les projets ANR de Navicorpus, dont il sera question, ou Globiver, sur les systèmes impériaux ibériques au 19e et 20e siècle, où les projets, ce n'est pas tout à fait une base de données qui appartient au système ficheuse, mais c'est aussi, il y a aussi le projet de François-Justine Rugius sur le mobilité, population et famille. Et après, il y a différentes thèses, il y a différents doctorants qui utilisent ou ont utilisé la base de données ficheuse. Heureusement, déjà quelques-uns aujourd'hui, il y a doctorants. Ici, il y a par exemple Antonio Artola, Vivian Faro, Pierre-Marie Lepu, Stéphane Friou qui ont utilisé vraiment la base de données ficheuse, une des implémentations de la base de données. À l'actualité, il y a plus ou moins 9 bases de données, 9 implémentations de la base de données. Actos, c'est la base d'Espagne. Pour l'Espagne, c'est la plus riche. R, c'est une base de données qui vient d'être... Bon, on va commencer à la développer, c'est pour le monde aéronautique. Ancien History, c'est une base sur Pompéi à l'Antiquité. Arcane, pour l'étude de la tapisserie française. Fariste pour la Chine. Tout le monde va tout à fait pareil à la base de données pour l'Espagne. La Biocorpus, bien sûr, pour le mouvement des bateaux. Politics pour l'étude du libéralisme en Europe. La Tunisie, c'est un projet personnel de Jean-Pierre. Et le WAC, c'est un projet en Aix-en-Provence. Mais alors, qu'est-ce que c'est donc les systèmes ficheuses? Les systèmes ficheuses, c'est une manière de concevoir méthodologiquement, grâce aux bases de données, l'analyse historique. Les bases de données ficheuses traitent l'informatisation historique en l'atomisant en action menée à bien par les acteurs. Et par acteurs, ficheuses entend toute entité identifiable comme un ensemble organique intervenant dans des actions qui modifient ses rapports à son environnement. Ça veut dire que l'acteur n'est pas seulement un individu. Il s'agit aussi des personnes morales, des collectifs, voire des objets. Chaque enregistrement de la base correspond à une action. Là, on a quelques exemples. Chaque ligne, c'est un enregistrement, et chaque enregistrement, c'est une action. C'est-à-dire, chaque action, c'est une modification des rapports entre l'acteur et l'environnement, qui peut être décrit sur les dimensions suivantes. Ça veut dire toute action doit répondre aux questions suivantes. Qui, quoi, quand, où et avec qui. Toute modification de la valeur de l'une de ces dimensions définit une autre action et pourtant provoque la création d'un autre enregistrement. Il est ainsi possible pourtant de saisir des informations les plus diverses sur une structure unique qui les rend toutes comparables et manipulables dans un univers homogène où le chercheur peut se déplacer librement et qu'il peut structurer en fonction de ses hypothèses de travail sans être arrêté par des ruptures, des constructions ou techniques de l'ordinateur. Bon, la logique de la base sur laquelle repose cette structure a comme plus petit élément l'action effectuée par un acteur dans un moment et un lieu donné. Maintenant, l'une des tâches les plus délicates consiste donc à morceler, à atomiser l'information livrée par les sources en unité en respectant logiquement la logique des actions afin de que leur traitement informatisé soit par la suite possible. Donc, il faut toujours, avant saisir n'importe quelle donnée, de bien comprendre l'information et les sources à insérer. Ça, c'est très important parce que parfois, on a trouvé des problèmes, surtout par exemple pour les actes notariels. Donc, il faut bien savoir, il faut bien comprendre les sources que l'on utilise. Alors, toutes les bases des données du système Fishers sont conçues comme des outils qui nous permettent d'organiser, et stocker et récupérer l'information saisie à l'intérieur de la base. Elles ne sont qu'un conteneur où l'on range l'information livrée par les sources, de manière telle qu'il soit possible par la suite de récupérer et exploiter l'intégralité de l'information. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va essayer de le faire en fait. Ces bases de données ont été conçues pour accueillir une masse d'informations illimitées, où l'unique frontière est déterminée par la puissance de l'ordinateur. C'est la mémoire de l'ordinateur, l'unique question à faire attention. Donc, le logiciel que nous utilisons, en revanche, FileMaker, dans sa version 12, ne pose pas des limites particulières. Le développement progressif du système, son utilisation au cours des 20 dernières années, les projets, le livre, les articles qu'il a permis de réaliser, nous permet de les présenter aujourd'hui comme un outil informatique valable pour la recherche historique qui se prête toute particulièrement pour l'analyse des relations entre acteurs. On traite l'acteur sans faire a priori aucune distinction particulière. Et on a déjà souligné la notion de l'acteur comprend dans ces contextes un individu, une institution, aussi bien qu'un objet ou moyen de transport. Du coup, un acteur peut être en relation avec n'importe quel acteur. Un individu avec un livre avec une maison d'impression, un bateau avec un port d'attache, une société secrète avec une lettre de fondation, un tableau avec un peintre ou un vendeur, les possibilités sont infinies. C'est précisément sur l'aspect relationnel que je vais centrer mes propos en montrant comment on passe de la donnée brute insérée dans le système à l'analyse de la représentation graphique des liens sociaux ou des liens entre acteurs. La puissance d'une base de données peut se mesurer parmi d'autres à partir de logiciels qui peuvent être utilisés pour traiter facilement les données préservées à l'intérieur de la base. Avec Fishers, nous utilisons souvent différents logiciels pour aboutir aux résultats qui nous intéressent, tels Excel, PageX, Carte des données, Envivo, Iramutech, R ou CNET. Selon qu'on souhaite produire une carte, un tableau, une étude linguistique ou une analyse des réseaux. Je souhaiterais aujourd'hui montrer la puissance des bases de données Actos et Navigo Corpus. Ici, vous savez, petit pour Actos, vous avez une capture, après on verra en direct, et puis là, quelques chiffres sur la base. Bon, en fait, je ne vais pas répéter parce que vous l'avez sous la crainte, donc vous pouvez les lire. Donc, et puis pour Navigo Corpus, c'est pareil, vous avez la capture et quelques chiffres sur les projets actuels. Donc, un utilisateur qui maîtrise la mécanique de l'exportation depuis Fishers, depuis le système Fishers, peut réaliser un graphique relationnel brut en moins de 5 minutes. Toutefois, pour aboutir à un résultat final et au graphique qu'on souhaite faire apparaître, il faut maîtriser le logiciel d'analyse des réseaux et savoir au préalable clairement ce qu'on cherche. Pour les réussites, bien sûr, il faudra plus de 5 minutes. Donc maintenant, on va essayer plutôt ma vie de vous montrer deux exemples. Le premier, c'est pour Actos, c'est un exemple sur les membres de l'ordre des chartes 3, et pour Navigo Corpus, on va étudier le lien entre le port atlantique français, leur port d'attache. Donc, c'est con parce que je voulais mettre sur l'écran voilà, vous savez ici, justement pour regarder la. Ça, c'est la base de données Actos. Là, vous avez toute une liste d'enregistrement qu'on va utiliser tout de suite pour l'exemple. Alors, le premier exemple concerne une thèse menée actuellement par Nayara Gorais à l'Université du Pays Basque, qui dirige le professeur José María Ignis, ici présent, qui porte sur les membres de l'ordre Chartres III. Au sein de la monarchie espagnole, l'ancien régime, l'ordre militaire des Chartres III distinguait les individus qui avaient... Ah oui, pardon. C'est bon, non, c'est bon. Et alors c'était, donc je répète, donc, au sein de la monarchie espagnole d'ancien régime, l'ordre distinguait les individus qui avaient accompli quelques actions remarquables pour l'État. L'obtention de cette reconnaissance était considérée comme une étape importante pour l'ascension sociale des grandes familles en Espagne. Au moment de présenter sa candidature, les candidats indiquaient une série de noms des personnes qui allaient répondre du candidat. Donc chaque rapport personnel conservé aux archives contient donc la liste des individus qui ont témoigné en faveur ou en contre du candidat. Ce qui nous permet donc de désigner une partie de l'univers relationnel de cet individu. L'hypothèse de recherche de Nayara est que l'ordre est constitué un mécanisme pour la formation d'une classe politique au sein de l'État. Pour vérifier donc cette hypothèse et identifier si dans les groupes certains individus jouent un rôle structurant, il faut analyser le lien entre les individus qui ont obtenu la reconnaissance et ceux qui leur servent des témoins. On peut essayer d'avoir, par exemple, s'il y a des acteurs plus actifs qui interviennent, par exemple, dans plusieurs dossiers. Donc, bon, vous savez, toutes les manières techniques, je ne vais pas faire. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Ici, vous savez que la liste, tout le enregistrement qu'il y a dans la base pour mener cette recherche, il y a à peu près 2500 enregistrements. Alors, les résultats qu'on obtiendrait, vous allez le voir ici. Donc, ça, c'est les premiers résultats. C'est un résultat fou qu'on doit, bien sûr, travailler. Donc, on va choisir un algorithme qui va nous montrer ça. Ça, c'est déjà autre chose. Ça, on peut l'interpréter. Parce que, à mon avis, à partir de ces dernières graphiques, nous pouvons essayer d'identifier des chaînes qui pourraient conforter l'hypothèse de recherche selon laquelle il existerait une élite qui va se reproduire de manière interne en s'inservant de ressorts internes au groupe et les appuis lors des témoignages. Il n'est pas très compliqué pour moi, en fait, de suivre certaines chaînes des liens parmi les individus, ce que peut nous montrer la participation d'une même personne dans des candidatures différentes. On peut choisir n'importe quel individu et vous voyez différents liens. Et après, vous pouvez suivre un autre lien. Si vous voulez, je peux mettre. Attendez. Par exemple, je ne sais pas, ici, vous savez, ça c'est un candidat qui a différents témoins. Mais après, il est le témoin d'un autre individu qui est là. Donc, comme ça, on peut étudier les cas à cas en particulier pour voir vraiment comment fonctionnent les réseaux. Donc, ça, c'était les premiers exemples à vous montrer. Oui, oui, ça va. Et pour les deuxièmes, je reviens donc sur la base Naviocorpus. Comme vous voyez, c'est plus ou moins la même logique de structurer la base de données. Donc, les séquences simples issues du programme de recherche ANR Naviocorpus, dirigé par Sylvain Marsegali, qui s'est proposé de créer une base de données capable de déstocker des données issues de sources diverses relativement au mouvement des navires. Naviocorpus a été conçu sans prédéterminer les questionnements scientifiques auxquels il pourrait être appelé à répondre, ce qui s'est traduit par la nécessité d'une très grande souplesse de la base par rapport aux sources. La base de données Naviocorpus, la base de données Naviocorpus est donc plus complexe, beaucoup plus complexe que celui d'Actos Le corpus est composé en effet par quatre tables principales. Vous avez ici le schéma, ce que je voulais vous montrer. Bon, l'une d'entre elles, c'est Actos. Actos, c'est la. Oh non, voilà, c'est ça. Actos, c'est le fichier Actos, le fichier pour les actions. Les trois autres points, taxes et cargaison, sont propres à Navigo Corpus. Nous avons conçu une base de données centrée sur les points géographiques touchés par les navires au cours de son déplacement. Toute information relative au navire, à son capitaine, à sa cargaison, aux personnes qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans son déplacement, a été rattachée au point d'observation. Généralement, c'est lui où a été produite la source qui fournit les informations. Donc, Actos est le fichier qui contient toutes les actions. Il s'agit donc d'une base complexe, mais très très puissante, et à la différence de deux autres grandes bases de données sur les navires qui sont en ligne, Navigo Corpus identifie les navires et les captains rencontrés, ce qui permet de reconstituer la vie d'un navire à travers des actions qu'il effectue en récupérant des sources différentes. Actuellement, parmi d'autres données, la base contient la totalité des congés conservés dans la sous-série G5, aux archives nationales pour l'ensemble du port français pour l'année 1787. L'une des questions auxquelles la base peut apporter réponse concerne justement les phénomènes de dépendance et de spécialisation autour des grands ports. L'historiographie française a étudié les ports français en se concentrant sur un port dominant, Bordeaux, Marseille au XVIIIe siècle, ou sur un seul type de trafic spécifique, par exemple le trafic colonial. Si on a pu ainsi constater que les navires de certains ports mineurs sont fort présents au service d'un grand port, par exemple, on était incapable jusque-là d'avoir une vue systémique de ces phénomènes et voir par exemple comme les acteurs situés sur la façade atlantique jouent ou pas sur des demandes complémentaires ou concurrentes des services de transport émanant des grands ports de cette région. Alors l'exemple qu'on a proposé, on a pris les trois principaux ports du versant atlantique français, Nantes, La Rochelle et Bordeaux. La documentation qu'on a utilisée nous permet d'avoir la liste des tous bateaux sortis de ces trois ports en 1787. La même source nous indique le port d'attache de tous les bateaux. En conséquence, nous allons pouvoir récupérer les noms de tous les ports d'attache qui ont desservi l'un ou plusieurs de ces trois ports principaux. Nous voulons donc voir les liens existants entre les trois ports principaux et les ports d'attache afin d'identifier la typologie existante en matière des services de transport et voir la force des liens. Donc, bon, par exemple, ici, vous savez, toute la liste, ça c'est par rapport à Bordeaux. Je ne sais pas si là, non, je vais récupérer. Non, c'est ça. Bien. Oui, c'est vrai. Bon, je ne vais pas faire la manip. Donc, on va récupérer donc tous les enregistrements pour Bordeaux, Nantes et La Rochelle et récupérer aussi les ports d'attache qui desservent ces trois ports. Et les résultats, on les récupère là. Ça marche? Oui. Donc ici, ce que vous voyez, c'est en première dessin qui nous montre quelles sont les relations. Donc, on distingue déjà trois cas des figures. Un premier groupe des ports ne dessert qu'un seul port principal. Un deuxième groupe peut jouer sur la demande de deux ports. Le port au centre de la figure, oui, ça se voit très clair, peuvent prêter le service de transport à l'ensemble des trois ports. Mais bon, on peut aller un peu plus loin et faire quelques opérations pour obtenir des résultats plus poussés. comme dans les cas suivants, qu'indique l'importance des liens exprimés ici par les nombres des navires concernés. Alors l'épaisseur de la ligne et la taille de la flèche correspond au nombre des liens. Donc cette fois, les graphiques nous montrent l'existence évidente d'une série de ports qui se détachent nettement des autres par leur nombre de relations. Ça, bon, ça, on le... ça, c'est un premier résultat. Donc, je vais finir. Ça va ? Oui. Et parler. Ouais, parce que bon, c'était un peu plus complexe, mais bon, ça ira. Et avec les conclusions. Donc, les bases de données Actos et Navigator Plus sont des outils puissants qui permettent de structurer les données historiques de manière telle que leur exploitation pour l'étude des relations et des réseaux s'en trouve grandement facilitée. C'est à chacun de décider si l'investissement nécessaire est souhaitable ou pas. Si l'investissement de temps pour comprendre les structures des bases et savoir y insérer correctement les données est raisonnable, la CCI est par contre longue. Ça, il faut le dire. Quant à l'utilisation du CINET, PAGIEC, etc., les choix du logiciel, l'apprentissage de leur usage est absolument indépendant à celui d'Actos ou Navigator Corpus. Mais ces deux systèmes de données, ça relève ensuite, une fois les données insérées, extrêmement puissant, efficace et rapide. Qu'il s'agisse d'aboutir à une carte ou de mener à bien une analyse des réseaux qui nous intéresse ici plus particulièrement. Alors finalement, Actos et Navigator Corpus, ils ne sont pas que des outils. C'est la pertinence du questionnement historique, la capacité à interpréter les sources et la richesse de celles-ci qui vont vraiment déterminer la qualité de la recherche. Merci.